Hey, c'est l'heure de En plein milieu. En plein milieu, le podcast où est-ce que je peux parler de tout ce que je veux, de différents sujets sans me faire interrompre, puis toi, tu peux écouter sans sentir le besoin de participer ou sans gâcher de l'énergie à répondre à des sujets que tu trouves plus ou moins intéressants. Mais dans ce cas-là, pourquoi t'écoutes? Je sais pas. Fait que, salut, salut. Passe une bonne semaine. Oui, moi aussi. Merci. Plusieurs sujets aujourd'hui. Très intéressants. Des sujets auxquels j'ai pensé. Tu sais, des sujets que ça te pop dans la tête. Là, tu te dis, maudit, pourquoi je pourrais pas intégrer ça dans une conversation maintenant, puis que ça coule bien. Tu trouves jamais le moment. Fait que voilà, c'est ce genre de sujet-là que j'ai envie de parler. Mais avant de commencer ça, je voudrais remercier mes commanditaires. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de commanditaires. Mais par contre, j'ai commencé à faire mes devoirs. J'ai une page Facebook, donc facebook.com/en plein milieu. Je me suis aussi fait un Twitter en plein milieu, en un seul mot. C'est ça. Fait que si vous voulez être au courant des derniers trucs que je sors, mais là, pour l'instant, c'est assez facile. Là. C'est à chaque mercredi matin. Mais tu sais, au cas où je j'élargis mes activités, on sait jamais. Donc, ouais, ça c'est pour les annonces officielles. Puis aussi, avant de commencer, je voulais faire un petit retour. D'ailleurs, je vais prendre mon téléphone. Je vais faire un petit retour sur le sujet de la semaine passée. Ma petite recherche, là. Qui demandait aux gens comment ils me voyaient, puis tout ça. Puis là, l'affaire, c'est que j'ai reçu des réponses par des gens vraiment pertinents, en plus. J'ai reçu des réponses après avoir enregistré le premier épisode de « En plein milieu ». Là, je trouvais ça poche parce que c'était vraiment comme pertinent, tu sais. C'était les commentaires de ma mère, ma soeur et Audrey, qui est probablement ma meilleure amie. Là, qui disait, ma mère qui disait que j'étais un irrésistible solitaire. Bon, visiblement, je fais un podcast puis je suis tout seul. Je suis solitaire, irrésistible, je sais pas, mais en tout cas. Ma sœur qui m'écrit... qu'est-ce qu'elle m'avait écrit déjà? Qu'elle était peut-être biaisée parce que elle avait eu des interactions privilégiées avec moi. Des taloches puis des câlins. Mais que j'étais le master of introvert. Je passe beaucoup de temps à réfléchir. Puis je réfléchis quand même bien. Je suis capable de saisir le monde qui m'entoure juste de même. C'est pas pire pareil. Ouais. Bon, je le prends comme un compliment. Mais c'est vrai que je considère que je suis quand même capable de saisir le monde qui m'entoure. Puis Audrey, qui me dit que je suis analytique, provocateur, créatif, que je m'exprime de manière très juste. Je maîtrise bien les mots. Minus, dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? Cortex, la même chose que chaque nuit, Minus, tenter de conquérir le monde! Ça, elle dit ça parce qu'elle trouve que je suis un genre de Cortex qui aspire à conquérir le monde. À ma manière, bien sûr. Ouais, elle me connaît bien. C'est mon ex aussi en même temps, fait que c'est normal qu'elle me connaisse. Ben oui, toi, mon ex, je considère que c'est probablement une de mes meilleures amies, sinon ma meilleure amie. C'est drôle, hein? Pas tout le monde qui est prêt à, tu sais, à dire même que c'est possible. Beaucoup de gars, ben de filles aussi, j'imagine, qui sont pas prêts à d'avouer que même le beaucoup de gars, de gens, pas de gars, mais de gens en général qui vont juste couper les liens avec leurs ex juste parce que ça marche plus ou whatever, ce serait trop bizarre. Moi, je garde une bonne relation avec mes ex. Ce genre de gars-là. Mais c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, ben, un des sujets, commencer par ça, c'est l'immortalité. Là, les gens qui me connaissent bien, ils savent que j'ai une affection particulière avec tout ce qui touche à l'immortalité. Puis là, il y a tellement de facettes intéressante à ce sujet-là. Mais je vais commencer avec ce que moi je dis dans la vie. Tu sais, moi dans la vie, je veux être immortel. Puis là, quand je dis ça aux gens, la plupart des réactions, ça va être genre, ben là, tu veux pas être immortel, gros cave? Tu vas voir toutes les gens qui t'aiment mourir. Bon, ça c'est dans la perspective où est-ce que je serais tout seul à être immortel, ce qui est un peu... On va se le dire, là. Si j'atteins l'immortalité, je serai sûrement pas le seul. C'est pas moi, avec mes connaissances en bio, à moi seul, qui va réussir à trouver le remède à la mort, à la vieillesse. Mais d'ailleurs, ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à m'intéresser plus particulièrement à l'immortalité. J'ai vu un TED Talk. Vous connaissez les TED Talks, les conférences sur Internet, le site TED.com. Tu vois là, puis là, il y a plein de gens, des experts dans le domaine qui font des conférences sur différents sujets. Puis à un moment donné, c'était, j'ai oublié son nom, mais c'était un dude autodidacte qui a commencé à apprendre la biologie, puis qui s'est parti une organisation, qui s'est parti une espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça, un bureau de recherche ou peu importe. Fait qu'il cherche des dons, pis tout ça. Ça s'appelle le SENS, SENS. Je sais pas c'est l'acronyme de quoi. Puis, fait que lui, il avait fait un TED Talk, donc là-dessus, sur la vieillesse. Puis le fait que pour lui, la vieillesse, c'est une maladie comme une autre, qui peut se guérir. Puis lui, ultimement, son but, ça serait que dans les comme 20, 30, 40, 50 prochaines années, on soit capable, le progrès médical en soi, en arrive à faire en sorte que les humains puissent vivre jusqu'à 1000 ans. Puis selon ses prédictions, ça serait possible. Je me rappelle plus c'était quoi son range d'années, là. Mais il disait que, mettons, je vais dire n'importe quoi, mais il disait que dans les 50 prochaines années, ce serait possible que les humains vivent jusqu'à 1000 ans. Pas 1000 ans, la ville. Bon. Fait que, ouais. Fait que là, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis je me suis dit, ouais, dans le fond, c'est vrai. Tout ce qu'on a à faire, c'est, ben déjà, il faut qu'on s'attaque aux plus importantes. Tu sais, les maladies qui arrivent avec la vieillesse, genre Alzheimer, cancer, tout ça. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, moi, mon point, c'est que ça serait la deuxième chose. Moi, la première chose, la plus importante, ça serait d'arriver à bâtir, ben, de comprendre la cellule, puis de faire en sorte qu'elle s'auto-digère pas elle-même avec le temps, puis que elle meurt pas, tu sais, qu'elle arrive à s'auto-régénérer. C'est un peu ça l'enjeu du gars de Sense, là, dont j'ai oublié le nom. Vous iriez googler ça. Non, mais tiens, je vais aller le googler tout de suite. Donc, ouais, il parlait que c'était... Bon, là, j'arrive pas à le trouver. Attends, c'était quoi le terme? C'est... biogérontologie. Biogérontologie. Tu cherches ça. Puis, sens. C'est ça? SNS? Non, c'est pas ça. Ah, ben, il y en a plein de. Il y en a plein de fondation de recherche, c'est ça le terme que je cherchais tantôt. Aging. En tout cas, c'est pas. Ouais, tiens, je vais chercher Sens. SENS. Cherchez en même temps que moi. Foundation. Foundation. Pas les scènes, ça se dit. Sens.org. Ah, oh, c'était pas compliqué. Sens.org. Sens.org. Fait que ça, c'est la page. Puis, mettons que je vais dans About. About. Puis je vais dans quoi? Staff? Non. Staff? Non, c'est pas ça. Ah, whatever, là, c'est pas grave. Arrêtez de perdre du temps là-dessus. Qu'est-ce que je disais, là? Le fait est que, ouais, la cellule. Ce qui est important avec tout ça, c'est que la vieillesse peut être considérée comme une maladie en soi. Faut que je check un œil sur le temps. Je checkais pas ça le temps, moi, la dernière fois. Je vais checker ça. Partir mon chrono. Là, il me reste genre 50 minutes, 45 minutes, mettons. Ouais. Je me perds un peu dans mes idées. Ouais, fait que là, l'immortalité. Qu'on soit capable de faire en sorte que la vieillesse, qu'on ne vieillisse plus ou moins, en tout cas. Fait que là, il y a plusieurs genres, juste avec ce sujet-là, là, il y a plusieurs enjeux qui se posent, là, du genre, OK, mais mettons que on vit jusqu'à 1000 ans. Là, il y a clairement un problème de surpopulation qui nous pend au bout du nez. Fait que là, la solution, ça serait, OK, soit on intègre dans le médicament ou dans le whatever, mettons que c'est une pilule. Assumer, c'est une pilule. Fait que dans la pilule, on intègre aussi une composante qui fait que tu deviens stérile. Ou bien, si pour te faire prescrire la pilule, faut que tu te fasses faire la vasectomie, mettons. C'était un gars, là. Ouais. Fait que là, ceux qui choisissent d'être, tu sais, de vivre jusqu'à 1000 ans, peuvent pas avoir d'enfants. Puis ceux qui veulent des enfants, ben, tu sais, c'est ça. Ils peuvent pas prendre la pilule de être immortel. Ouais. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que on fait pas d'enfants. Il y a une loi, on légifère. On fait pas d'enfants pendant. On interdit de faire des enfants pendant 25 ans. Puis là, il y a des gens qui meurent. Là, c'est chiant pour ces gens-là, par exemple. Parce que si, mettons, t'as 70 ans, puis là, t'es comme, ben là, je la prendrais, moi, la pilule pour vivre jusqu'à 1000 ans. Mais là, tu peux pas, parce que t'es dans la batch qu'il faut qu'il meure. C'est chiant, ça. Non, ça, c'est pas une solution. Mais en tout cas, il faudrait réfléchir à ça. On n'est pas encore rendu là. Mais le point, en tout cas, parce que. D'ailleurs, problème de surpopulation, là. C'est ça le major, tu sais, le problème d'environnement, on va se le dire. C'est d'abord à cause qu'il y a trop de gens. Vous écouterez, Bill Burr a fait un sketch là-dessus. Bill Burr, Billburr. Il a fait un sketch là-dessus. C'est funny, c'est fait pour être drôle, mais il y a quand même un peu de bon sens là-dedans, tu sais. Parce que dans le fond, c'est pas tant ce qu'on fait, c'est pas tant l'industrie, puis tout ça, puis pollution, c'est pas tant, tu sais, on fait rien, individuellement, on fait rien de mal, c'est juste qu'on est trop à le faire. C'est ça le problème. Fait qu'il faudrait qu'on soit moins de gens. Ouais. Bref. Fait que, immortalité. Immortalité, quand je dis ça aux gens, donc, ils me disent, ben là, tu veux pas faire ça, être immortel, t'imagines-tu? Tu vivrais tout le temps, tu verrais toutes les choses, les gens, tout ça, tu verrais passer. Là, je suis comme, ben oui, c'est quoi le problème? Honnêtement, moi, je vois pas de problème jusqu'à maintenant. Là. Même si je suis tout seul là, à être immortel, puis que je vois les gens mourir autour de moi, là, oui, c'est triste. Mais est-ce que je serais prêt à give away mon immortalité juste pour... Puis anyway, les gens que t'aimes, tu vas les voir mourir de ton vivant. Là. Puis si tu les vois pas mourir, c'est parce que toi, tu meurs. Fait que c'est pas vraiment mieux. Si on y pense, là, 2 secondes. En tout cas, moi, je trouve pas que c'est... En quoi c'est pire de juste toutes les voir mourir un après l'autre? C'est comme si tu vivais plusieurs vies, mais sans... Tu sais, mettons, tu te fais une amie, puis là, 50 ans plus tard, elle meurt. Bon, ben, elle est morte. Là, tu te fais une autre amie, puis là, elle meurt. Là, tous ces moments-là, tous ces, mettons, 50 années à avoir un ami, c'est bien, il me semble, non? En tout sûr, c'est triste, là, quand elle meurt, là. Mais là, je sais pas. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas, c'est... Je vais l'illustrer autrement. Mettons qu'on invente cette pilule-là, là, qui fait vivre 1000 ans, là. Mettons, ça sort demain matin, là, puis c'est disponible pour tout le monde. Qui est-ce qui va faire... Sais-tu quoi? Non, je la prendrai pas. Peut-être un ou deux zélés, là, qui va faire comme... Non, moi, je suis pro-bio, je ne veux pas jouer à Dieu, puis nanana, OK, whatever. Mais honnêtement, là, man, avec toutes les personnes qui se font faire de la chirurgie plastique, puis, tu sais, qui font de l'exercice, ça, c'est une autre affaire, là. Mais, tu sais, toutes les gens qui... J'en reparlais, ça, d'ailleurs. Toi, tu vas me dire que, pour revenir à ce que je disais, toi, tu penses, toi qui écoutes, là, en ce moment, là, toi, cette pilule-là, elle sortait, là, tu t'apprendrais pas. Certains que t'apprendrais en Christ. Puis moi aussi, je l'apprendrais. Pour vivre 1000 ans. 1000 ans. Notre but sur cette planète, c'est d'expérimenter ce que l'univers a à nous offrir. Tu sais, c'est d'observer, c'est de sentir. Fait que tu sais, si tu peux prolonger cette expérience-là pendant 1000 ans, tu vas le faire en Christ. Pas question de... C'est ça qui est chiant avec mourir. Avec mourir, c'est que tu peux plus rien t'sais, expérimenter, tu peux plus toucher, tu peux plus sentir, tu peux plus t'sais. C'est ça qui est le fun avec la vie. C'est pour ça qu'on aime vivre. Fait que si t'as la chance de continuer à faire ça, t'apprendrais pas, toi, la chance. En tout cas. Si t'es un de ceux qui prendrait pas cette chance-là, il faut que tu m'expliques pourquoi, parce que je comprends pas. Je comprends pas du tout. Fait que ouais, tous ces passionnés-là, là, mettons toutes les. Mettons les granos, là, les hippies, puis les environnementalistes, puis tout ça, là. Il n'y a pas un peu de. Tu sais, il y a une petite recherche d'immortalité là-dedans, là. T'sais, on veut préserver la vie telle qu'elle est parce que on veut garder l'équilibre, parce qu'on veut que ça continue indéfiniment. C'est ça qu'on est en train de faire, là. T'sais, la planète est en train de changer, visiblement, et toujours en changement en passant, là. Mais t'sais, mettons changement climatique et tout ça. T'sais, ce que les gens essaient de faire, là, c'est de garder le statu quo. Tu sais, moi, dans le fond, là, je serais bien content que... Moi, je suis un peu... Je vais peut-être en choquer quelques-uns, là, mais moi, changement climatique, on dirait que je suis pas contre ça, moi. Non. Je suis pas contre ça. Ça va mettre un peu de piquant dans nos vies. C'est ça que ça nous prend. C'est pour ça qu'on a une espèce de fascination avec avec la fin du monde, puis les zombies, puis tout ça. Parce qu'on a besoin. On aurait besoin de ça. La politique, toujours du pareil au même. Les gens sont mornes. Les gens, ils font des débats sur des estiniaiseries. Liberté d'expression. C'est-tu cave un peu ça? En 2016, on est encore en train de se faire des débats sur la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, ça change rien. Ben, je veux dire, pas que ça change rien. Mais je veux dire, on est rendu à un point où on s'acharne sur des peccadilles. Mettons, je regarde le mouvement féministe actuel. Puis, c'est quoi? Là, en ce moment, il y a un recul, au Québec, entre autres. Il y a un recul dans la liberté d'expression. Moi, je suis comme pas autant à l'aise de dire tout ce que je pense en public, surtout, là. Mettons sur un podcast. Mais je vais le faire pareil parce que, whatever, je m'en fous. Mais tu peux plus dire ce que tu veux, même si c'est en joke. Puis on débat là-dessus. On perd du temps à débattre là-dessus. Alors que on pourrait mettre notre énergie sur trouver la pilule pour être immortel. Ça, mon point. Ouais. Ça, le monde, ils comprennent pas ça. En tout cas. Là, je voulais revenir sur. Qu'est-ce que je disais, là, par rapport aux granos, tout ça, là. Les hippies. J'ai rien contre les hippies, en passant, là. Puis, tu sais, hippie, c'est un terme, là, mais, tu sais. Je considère. Tu sais, moi, je juge pas, là. C'est juste que je qualifie pour que les gens qui sont plus à l'aise avec des qualificatifs. Ça m'énerve assez, ça. Catégoriser les gens. Tu sais, pour moi, t'es pas un hippie, t'es juste quelqu'un qui veut avoir sa propre ferme, qui veut faire pousser ses vraies affaires, qui veut être autonome, qui fume du pot, parce que le pot, c'est de l'herbe, puis de l'herbe, c'est un produit de la terre, puis de la terre, c'est l'amour, puis l'amour, c'est la joie. Mais tu sais, ça me dérange pas du tout de te décrire comme ça à chaque fois, là. Mais bon, pour certains gens, c'est moins compliqué de juste dire hippie. Fait que mettons les hippies qui veulent, c'est ça, là, tout bio, puis tout machin, puis toute la terre, puis nanana. Ces gens-là, là, puis ils font du yoga aussi. Yoga, très important. Ces gens-là, c'est probablement. Ah oui, puis aussi, sont très. Habituellement, sont très. De gauche. Ça, droite-gauche, c'est un autre débat, mais là, je commence à m'éparpiller un peu trop, là. Fait que je vais en rester là pour l'instant. Parce que pour moi, gauche-droite, ça n'existe pas. En tout cas. Donc, sont plus de gauche. Ces gens-là, là. Me semble, sont un peu égoïstes. Parce qu'ils sont très tournés vers. Tu sais, justement, ils vont être très mesures sociales, tout ça. Très anti-capitalisme ou anti-individualisme. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, là, j'ai eu cette réflexion-là aujourd'hui. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, tu sais, les humains, là, sont pas tous pareils. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a de la misère à entrer dans la tête de certaines personnes. Tu sais, oui, ils vont considérer que chaque individu a sa propre forme, puis tout le monde est différent, puis tout ça. Mais en même temps, ils vont comme pas comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont bien quand ils sont avec elles-mêmes, puis que l'esprit de communauté, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Entre autres, moi, l'esprit de communauté, non, moi, non. Moi, quand j'entends, mettons, à la radio ou à la télé ou peu importe où, là, que les communautés, c'est important, là. Moi, je sens, moi, j'ai un malaise parce que moi, je sens vraiment pas que. Pour moi, les... Tu sais, ça dépend ce qu'on va entendre. C'est quoi la définition de communauté, même? Mais la plupart du temps, la communauté, c'est un. Tu sais, il y a une espèce d'esprit de corps entre. Tu sais, plein de gens, là. Mettons 10 ou plus. Mais moi, non. Moi, c'est pas de même. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise, soit seul, soit avec une, deux autres personnes, gros max. Tu considères-tu que être trois personnes, c'est être en communauté? Peut-être. Mais n'empêche que, tu sais, je passe beaucoup de temps tout seul, parce que je suis bien tout seul. Puis ça, il y a des gens qui le comprennent pas, ça. Mettons, dans notre société, de ce que j'en ai vu, en tout cas, on dirait qu'il y a différents types de personnalités. Chaque individu étant différent, mais tu sais, il y a quand même des patterns qu'on peut voir, là. Puis mettons que je compare au monde animal, à l'univers animal non humain. On dirait qu'il y a différents types. Comme moi, je me considère plus comme un coyote, genre. Tout seul. Scavenger. C'est le terme. C'est ça le mot français, scavenger. Tu sais, à parcourir les terres désolées. Les terres désolées. Puis à chercher de la bouffe. Puis à rencontrer des gens de temps en temps. À faire comme, hey, toi! Mais de la plupart du temps, avoir une espèce de regard vicié sur le monde, puis à juger tout le monde. Ouais, c'est ça. Moi, je suis de même. Puis il y a d'autres gens qui sont pas comme ça. Mais tu sais, c'est pas mal d'être un coyote. Il y a d'autres gens, ça va être plus des loups. Tu sais, ils vont se promener en meute. Tout seul, ils vont se sentir pas mal abandonnés. Puis à l'intérieur même de la meute, il va avoir, tu sais, il va y en avoir ils vont plus être alpha. Il y en a d'autres qui vont plus être, tu sais, les petits ados en arrière qui se promènent puis qui font un peu n'importe quoi, qui ralentissent la troupe, là. Ouais. Fait qu'il y en a qui vont plus être des loups, plus en troupe de même, puis qui vont comme s'amuser à aller chasser. S'attaquer aux autres groupes, là, puis à faire genre. Toi, tu devrais mourir! Tous ensemble, allons le massacrer! Ce genre de personnes-là. Je pointe aucun groupe. Féministe! Non, tu sais, je fais des blagues, là. Il y a des féministes qui sont très gentilles et gentilles, parce que c'est pas juste des filles, les féministes. Tu sais, moi-même, je me considère quand même relativement féministe. Disons que je suis un féministe modéré. On va dire ça de même. J'étais féministe dans le temps où est-ce que c'était. Il y a comme eu un petit gap. Tu sais, mettons, il y a un petit gap de 5-6 ans qui se situe la plupart du temps à ton secondaire. Où est-ce que. Ben, en tout cas, dans mon temps, c'était le même, là. Dans les années 90 et début 2000. Parce qu'au secondaire, être féministe, c'était pas mal vu, c'était juste pas un enjeu, c'était pas dans les discussions. Ben moi, à ce moment-là, j'étais féministe, pas mal. Puis tu sais, ben encore aujourd'hui, tu sais, moi, voir une fille faire siffler dans la rue, ça m'énerve. Mais tu vois, ça a eu du bon le féminisme parce que ça, je le vois plus. Autant, mettons, il n'y a pas plus tard que 2, 3, 4 ans, là, des estis. Il faut dire que je sors moins aussi. Je sors moins au centre-ville. C'est peut-être pour ça que j'en vois moins. Ouais, d'après moi, c'est à cause de ça. Il doit y en avoir autant. Mais bref, moi, les gars qui sifflaient les filles, là, puis qui. Tu sais, la fille passe, là, puis le gars se retourne, puis il fait. Il tape sur l'épaule de son dude. Côté de lui, là, puis il se mord l'index. Il se mord la jointure de l'index. Puis il fait Ouh! Wow! Regarde-moi ce popotin! En tout cas. ça m'insultait. J'avais envie de leur faire un coup de poing dans la figure. Mais je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Ouais. Là, j'ai encore divergé. Convergé. Non, j'ai divagué. Je suis parti du sujet. Ce que je voulais dire, dans le fond, ça n'a vraiment pas rapport. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que, tu sais, les gens qui sont vraiment into leur propre forme physique, puis qui mangent sainement, puis tout ça, là. Tu sais, pour que tu en arrives à ce point-là, là, tu sais, à vraiment prendre soin de toi, puis à faire comme, ah, oh, je mange bio, puis je mange pas de viande, puis je suis vegan, puis je fais de l'exercice, puis nanana, puis nanana, puis nanana, puis faut que je fasse attention, puis nanana, les produits naturels, puis blablabla. Genre, c'est bien, là. Mais pour que tu en arrives à ça, là, faut que tu sois stressé en tabarnak. Fait que tout ça, ça servira à rien. Tu vas pogner le cancer pareil, t'es trop stressé. C'est ça qui est triste. Puis je l'ai remarqué, ça. Mettons, dans la vie, là. Mettons, je vais voir quelqu'un qui va être super comme pro santé, puis pro produits biologiques, puis tout ça, là. C'est drôle, hein? C'est les premières personnes que je connais qui pognent des cancers. En tout cas, hasard, je ne crois pas. C'est des gens stressés parce qu'ils veulent pas mourir. On en revient à ça. Ils veulent pas mourir. Ils sont stressés. Fait que pour eux, eux, ils prendraient certainement une pilule d'immortalité. Immortalité. Fait que ouais, moi, je suis pour ça, l'immortalité. Je sens que j'ai pas fait le tour du sujet. J'en aurais encore vraiment beaucoup à dire là-dessus, mais on va s'arrêter là-dessus. Puis ça me fait... Puis là, j'ai parlé de trucs santé et tout ça, ça me fait... Je passe à mon prochain sujet. Commencer à faire du yoga, moi. Yes! Du yoga, j'ai commencé ça la semaine passée. Comme 2 jours après avoir enregistré le dernier épisode de En plein milieu. Je suis allé au Canadian Tire. Me suis acheté un tapis de yoga, vraiment cheap. Tu sais, je savais que ça ferait une petite différence, là, parce que... j'avais lu ça, là, tu sais, comme quoi ils adhèrent moins au plancher, puis ils sont moins confortables, puis blablabla. Mais je me suis dit, déjà, j'ai pas de job, fait que j'ai pas 70$ à mettre sur un tapis de yoga. Premier point. Deuxième point, je sais même pas si je vais toffer la run. Là, j'en suis à 4 jours. 4 ou 5. 4. Je le fais à chaque matin en me levant. Ouais, parce que là, j'ai décidé d'essayer de pogner un nouveau rythme de vie. Parce que je me suis retrouvé, tu sais, ayant pas de job, je me suis retrouvé dans des situations, tu sais, le genre, je me lève, je regarde dehors, je regarde l'heure, puis là, je fais comme, ouais, ben, c'est pas aujourd'hui que je vais voir le soleil, hein. C'est le genre de, tu sais, tu fais ça une journée, c'est pas si pire, là, mais faire ça une semaine complète, ça te bouffe le moral pas mal. Fait que j'ai décidé de prendre un nouveau rythme de vie. Comme là, ce matin, je me suis réveillé à 6h30, peux-tu croire ça? Eh oui, je me suis levé à 6h30. Puis là, il est encore tôt, là, il est 11h11. 11h11. Faites un vœu! Je me suis levé à 6h30. J'ai fait mon yoga à comme, je sais pas, 8h30 peut-être. Puis, j'ai comme un... Je vais éternuer, je pense. Ou pas. OK. Donc, je suis allé m'acheter un tapis au Canadian Tire. Il m'a coûté 15$. Pas si pire. Je me suis téléchargé des vidéos. Je suis allé sur Internet, puis là, j'ai tapé programme, machin, truc, vidéo, yoga, truc, machin. Puis là, j'ai pris comme les premières qui sont sorties, c'est-à-dire msn.com. Un peu cheapo comme vidéo, mais ça fait la job, là. C'est une fille... sur un fond blanc avec un tapis, puis là, il y a une fille qui dit, il y a une autre fille en voix off qui dit bon, ben, en anglais, elle a dit asseyez-vous, mettez votre main derrière votre dos, mettez votre autre main sur votre genou droit, regardez en arrière, nanana, faites telle position, blablabla, patati, respirez, expirez, inspirez, expirez, ça va faire la même. J'ai pris deux programmes avancés, Advance, parce que je me suis dit que je voulais mettre la barre haute, puis essayer de tu sais, parce que je veux pas une affaire de, tu sais, de ma tante, là. Pas une astuce d'affaire de ma tante, moi, j'étais un real. Puis, ouais. Puis là, j'essaie de parce que moi, dans la vie, là, faire des efforts, là, comme je suis capable, mais pour en faire, faut qu'il y ait une carotte, là. Faut qu'il y ait quelque chose au bout, là. Faut que j'aie une motivation. C'est pas... Tu sais, je me prends pas pour un autre, là. Je le sais que moi, être en forme, je sais, pour être en forme, tu sais, mon stress interne, je suis vraiment pas... on revient à ce que je disais tantôt, là. Mon stress interne est vraiment pas assez élevé pour me convaincre de faire des efforts, tu sais. Je suis pas assez stressé pour ça. De mourir, puis de ma vie, puis de tout ça. Fait qu'il me faut une motivation de plus. Il me faut une motivation externe. Ou, tu sais, ou une motivation externe, mais qui correspond à un désir interne. Puis mon désir interne d'être en forme juste pour être en forme, juste pour être en meilleure santé, est pas assez élevé. Parce que je me dis, tu sais, l'univers est si vaste. C'est-tu si important que ça que, tu sais, bon. Puis anyway, la pilule d'immortalité n'existe pas. Tu sais, si la pilule d'immortalité, ben pas d'immortalité, là, mais mettons que la pilule de possibilité de vivre jusqu'à 1000 ans existait, là. Hey, là, je ferais attention en crise, par exemple. Parce que là, je suis comme, hey, man, possibilité de vivre 1000 ans, je vais pas gâcher ça pendant les, tu sais, les 40 premières années de ma vie. Serais-tu poche, là? J'arrive à 60 ans, puis je suis déjà tout décaliste sur une possibilité de 1000. Jamais! Fait que, c'est ça, tu sais. Qu'est-ce que je dis, là? Ouais, fait que ma motivation interne. Ma motivation interne n'est pas assez élevée. Fait que là, il faut que je me trouve un but. Puis là, on dirait que... Puis là, enjeux... Ben, pas enjeux, là, mais... Disons, tu sais, dans la vie, t'as des choses à laquelle tu réfléchis, mais que tu fais comme jamais, tu t'essayes, mais c'est jamais comme vrai. Une de ces affaires-là, moi, que j'ai toujours comme essayé, mais j'ai jamais réussi à m'impliquer totalement, c'est tout ce qui a rapport aux arts martiaux. Genre la boxe, fait un peu de kung-fu, mais genre pas tant. Ouais. J'ai surtout... mon expérience, tu sais, mettons, cégep, j'avais fait un peu de boxe. L'hiver passé, je me suis inscrit dans un gym de boxe, mais ça a comme pas... j'ai pas comme embarqué, parce que je trouvais que c'était trop... tu sais, c'était rempli de gens qui se voyaient déjà champions du monde, là. Vraiment des gens pathétiques, là, en tout cas, bref. Fait que... Mais j'ai encore... Ça me trotte tout le temps en arrière de la tête. J'ai tout le temps envie de... Puis je sais pas pourquoi, puis j'ai réfléchi à ça dernièrement, puis je pense que c'est parce que ça serait une bonne motivation. Je pense que à l'intérieur de moi, je saurais pas l'expliquer pourquoi, mais on dirait qu'à l'intérieur de moi, il y a de quoi qui veut fesser d'en face à quelqu'un, puis que ça soit correct, tu sais. Puis je pense que ça serait ça ma motivation. Mettons faire du yoga, là. Si, mettons, je suis en train de faire mon yoga, puis que je fais comme... Ah, oh, de la marde, là. J'haïs ça. C'est de la marde faire ça. Puis c'est la même chose avec courir, tout ça. Mais mettons que je sais qu'au bout du compte, je pourrais comme frapper quelqu'un d'en face. Je pense que ça serait une assez bonne motivation. C'est drôle, hein? Drôle à dire, mais je pense que oui. Je pense que si au bout du compte, je pourrais comme embarquer sur un ring, puis avoir la crainte de me faire frapper, mais de pouvoir en retour frapper, en tout, puis être relativement protégé dans le processus. Je pense que, ouais. Fait que j'ai ça en tête quand je fais du yoga. Je me dis, je veux être souple parce que je veux arriver à mieux fesser quelqu'un d'en face. Ouais. Je sais pas si ça va tenir, là, mais. Fait que je vais essayer ça dans les prochaines semaines. Je vais essayer de me motiver à faire du yoga. Ça va être la première chose. Deuxième chose, me trouver une job. Ça va être la deuxième chose importante. Troisième chose, quand je vais avoir assez d'argent, m'inscrire à un club de boxe, mais pas celui que j'étais déjà allé parce que c'était trop douche, là. C'était trop. Il y a trop de monde déjà. Puis c'était trop, là. Il y en a un petit à côté de chez moi. Peut-être que je l'aimerais. Faudrait que j'aille peut-être à celui-là à côté de chez moi. Parce que c'est un petit, puis il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Puis. Ça a l'air plus convivial. Il y a l'air d'avoir des enfants qui vont là. À l'autre, où est-ce que j'étais allé, là, c'était dans un sous-sol. Tu sais, au centre-ville, là, c'était angle. Ça s'appelait Underdog. C'était angle genre Saint-Laurent-Sainte-Catherine. C'était vraiment comme, tu sais, sous-sol Saint-Laurent-Sainte-Catherine, là. Ça parle de soi-même, là, je pense. Fait que, ouais, je vais plus aller dans quelque chose de plus, tu sais, au rez-de-chaussée déjà, avec de la lumière du jour. Je pense que ça serait mieux. Puis qu'il se prend pas trop au sérieux, tu sais, qu'il y a des enfants qui y vont le matin. C'est ça. Fait que là, ça va peut-être me motiver à continuer le yoga pour être plus souple. Être plus fort aussi. Parce que, honnêtement, ce que je fais de mon yoga en ce moment, c'est pas les positions, puis le fait de m'étirer, puis d'avoir mal aux articulations qui me fait que j'arrête. J'arrête parce que je suis trop. Mes bras sont plus capables de me tenir. Parce que je fais genre une espèce de programme. Je sais pas si ça a un nom, là, mais c'était comme force et souplesse, là. Bref. Fait que là, je passe beaucoup de temps à me tenir sur mes bras, puis entrecoupé de push-up, puis de machin, là, puis mes bras, comme aujourd'hui, j'en ai fait sur les 40 minutes, parce que les deux, je sais pas si je l'ai dit, en tout cas, les deux programmes ensemble, c'est 40 minutes, c'est un programme de 10 minutes, puis un programme de 30 minutes. Puis en tout et partout, aujourd'hui, j'ai fait 29 minutes. Hier, j'en avais fait 25. Avant-hier, j'en avais fait 20. Puis le premier jour, j'avais fait 17 minutes. C'est ça. Puis c'est mes épaules, mes bras. Mettons aujourd'hui, après 29 minutes, là, j'étais plus capable. Ben, je veux dire. J'avais beaucoup de difficultés à juste lever mes bras au-dessus de ma tête. Fait que c'est ça. L'enjeu de mon affaire, c'est d'être capable de tenir. Au niveau de la force, au niveau de l'endurance des bras. Fait que y a ça. Fait qu'une fois que je vais avoir une job, que je vais m'être inscrit à un gym de boxe, là, il faudrait que je m'y mette comme pour vrai, là. Puis tu sais, avec la motivation, parce que j'ai jamais comme précédemment, quand je me suis inscrit à des gyms de boxe, c'était juste. L'espèce de motivation qui me disait vas-y, c'était juste être en forme. Tu sais, je comprenais pas trop qu'est-ce qui me fascinait avec l'univers de la boxe ou de whatever. C'était juste être en forme. Bon, je vais aller là pour être en forme. Puis la motivation était visiblement vraiment pas assez forte. Mais là, je serais curieux d'y retourner avec la conscience. Être très conscient du fait que, dans le fond, ce qui me motive, c'est de pouvoir fesser quelqu'un d'en face. C'est ça ma motivation. puis de peut-être même mettre quelqu'un KO, tu sais, de me défendre. Même pas de me défendre, c'est même pas ça la motivation, c'est vraiment de fesser quelqu'un d'en face, je pense. Ouais. C'est mon côté chimpanzé violent qui a besoin de voir les gens souffrir, je sais pas. Ou qui a besoin de. À creuser, à creuser. Je vais réfléchir à ça. Pourquoi. Je vais faire des petites recherches sur le web. Pour savoir d'où ça vient, ce désir de frapper quelqu'un dans le visage. Ouais, fait que me tenir en forme. Il y a aussi ça, là. Je veux me tenir en forme, parce que ça m'énerve de ne pas être capable de toucher mes pieds. C'est un autre problème. Être en forme, puis aussi, moi, ça, être. Parce que là, je vous ai dit que je me suis levé à 6h30 dans l'optique d'avoir une hygiène de vie, un cycle de vie un peu plus bon, un petit peu plus sain. Puis, une autre des mesures que j'ai pris, là, c'est la deuxième fois que je fais ça. La première fois, c'était peut-être, je sais pas, ça fait peut-être un mois, peut-être un peu moins qu'un mois, je sais plus trop. Là, puis j'ai découvert que ça a vraiment ses bénéfices d'arrêter toute forme de sexe. Ben, pas d'arrêter définitivement, là, mais de me retenir de toute forme de sexualité. Genre, ben, t'sais, si je rencontre quelqu'un, t'sais, je vais coucher avec, là. Mais, t'sais, mettons que je suis pas en. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, là, c'est de pas me masturber. C'est ça l'enjeu principal, là. De pas me masturber. Puis, je vois vraiment les bénéfices sérieux. T'sais, on dit que se masturber, c'est naturel, puis tout, puis il n'y a pas de honte, puis oui, je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, t'arrives à un point où est-ce que t'es comme. Tu te dis. C'est comme trop. Ben, j'imagine pas. C'est pas tout le monde qui a ce problème-là. Je m'adresse surtout aux garçons, je pense, là. Où est-ce que tu vas en arriver à ton. Tu sais, je pense que la majorité. Peut-être pas la majorité, je sais pas dans le fond. Là, j'ai pas beaucoup d'amis gars, tu sais, fait que je peux pas vraiment en discuter souvent. Mais mettons, j'assume que la plupart des gars vont se masturber comme facilement une fois par jour, puis mettons les moins hardcore, mettons une fois ou 2 jours, une fois ou 3 jours, tu sais, quelque chose de même. Puis les gens en couple. Peut-être un peu moins, là, je sais pas. Même malgré ça, les gens en couple, les gars, ils arrivent, ils trouvent le moyen de se faire aller le poisson. Fait que. Mais moi, j'ai décidé. Tu sais, je sentais que ça me faisait descendre dans. Tu sais, de se masturber à chaque jour ou à chaque 2 jours. Je sais pas si c'était lié à ça, mais je sentais que ça me drainait mon énergie. Puis là, j'étais comme. J'avais un petit doute que c'était ça. Puis je pense que il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir témoigner de ça, là. Je pense que d'abuser d'activités sexuelles, entre autres de la masturbation, il me semble que ça draine ton énergie. Peut-être plus quand t'as mon âge, là, quand t'as passé 25 ans, là. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est juste qu'on devient plus sensible avec l'âge. On devient plus sensible à notre propre corps. Fait qu'on s'en rend plus compte. Fait que ouais. Fait que j'ai arrêté ça. Puis je me suis. Ben pas j'ai arrêté ça, là. Ça va faire bientôt une semaine. Ça va faire à peu près une semaine. Là. Je pense que ça fait une semaine que j'ai rien fait. Puis je sens la différence, sérieux. Là. Je suis pas mal plus. Comme. Ben déjà, j'arrive à me lever à 6h30, tu sais. Je me suis couché à comme 10, 10 et demi. Puis je me suis levé à 6h30. Je vais prendre une petite clémentine. Si vous entendez que je mâche, c'est à cause de ça. Prends un peu d'énergie. Je sens que j'ai un petit down, là, on dirait. Je suis rendu à combien de temps, là? J'en suis à 40, 50 minutes. Tabarouette. Ouais, donc j'ai décidé de mettre une pause là-dessus. Évidemment, une des conséquences de ça, du fait que je suspends mes activités sexuelles, c'est que ça, c'est quelque chose de super intéressant. Je sais pas si les filles, ça fait la même chose. Je pense que c'est plus problématique aux gars. Ça se dit pas problématique aux gars, en tout cas. Symptomatique aux gars. J'arrête pas de penser au sexe. Tu sais, l'espèce de cliché qu'on dit, les gars, ça pense au sexe en moyenne à chaque, whatever, 24 secondes. Je sais pas trop c'est quoi, là. Je sais pas trop c'est quoi le cliché, mais. Ouais. Espèce de cliché-là, là. Honnêtement, quand tu te masturbes à chaque jour, non. T'arrives à passer au moins un bon 7-8 heures sans passer au sexe, sans penser au sexe. Mais quand tu te masturbes pas, par exemple, là, par exemple, ton corps, il te dit, ben là, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Tu commences à avoir des espèces d'élancements dans les testicules. Ça commence à te... C'est dur à expliquer. La première fois que j'ai fait ça, donc il y a à peu près un mois, j'avais tenu une semaine, puis après une semaine, j'ai couché avec une fille que je trouvais même pas si belle que ça, là, une fille de Tinder que j'ai rencontrée, puis qu'on a couché ensemble le soir même, puis je l'ai plus jamais revue après. Mais ouais, j'ai fait ça, puis tu sais, j'ai fait ça à cause que. Mon énergie sexuelle était trop forte. Mais pendant cette semaine-là, au troisième jour, là, j'avais mal aux couilles, là. Même que je me demandais si c'était un problème, là. Je me demandais s'il y avait, t'sais, un problème médical, là, d'un ordre médical. Finalement, non, c'est passé après. Comme cinquième jour, j'avais plus mal aux testicules. Puis là, cette semaine, tu sais, mon corps s'est comme habitué, on dirait. Fait que cette semaine, j'en suis à peu près une semaine, puis j'ai pas. En ce moment, tu sais, j'ai des petits. Tu sais, je sens que mes. Les filles comprendront vraiment pas ça, là, mais. Tu sais, je sens que mes couilles sont pleines. Tu sais, en ce moment, mon corps, il me dit, genre, c'est bien, là, on a de l'énergie pis tout, mais comme, tu voudrais pas régler ça prochainement? Ouais, c'est ça que mon corps, il me dit. Puis, selon mon expérience, le wet dream, c'est-à-dire le moment où est-ce que tu te réveilles le matin pis t'as les boxers collants, c'est dégueu à dire, mais c'est ça. Moi, c'est au bout de 2 semaines, habituellement. Fait que je vais voir ça. On va vous en parler. vous en parler la semaine prochaine si j'ai pas de sexe d'ici là. Pis si mes draps sont collants. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est positif. Si je mets tout ça, toutes les pour et les contre, là, je te dirais que. Au final, c'est positif parce que j'ai beaucoup plus d'énergie. J'imagine que ça a un effet sur ma testostérone aussi. J'imagine que j'ai plus de testostérone. J'ai plus d'énergie, là. J'ai plus envie de faire des choses. J'ai plus envie de faire de la boxe. Puis d'affaire de même, là. Ah oui, puis une autre nouvelle, parlant de cours de boxe, j'ai confirmé ma présence. Je m'en vais au, je j'ai pas encore décidé si j'allais le faire jusqu'au bout. Pardon. Mais je me suis inscrit un cours pour être inspecteur privé. Inspecteur privé, toi, chose. Ben oui. Au Québec, tu peux faire ça. C'est un peu l'équivalent de... Tu sais, des gardes de sécurité, là, genre garda... Ben, garda, je sais pas, là, mais tu sais, garde de sécurité, là, puis tout ça. Ça fait que c'est une formation, j'imagine, qui tourne autour de tout l'aspect légal de la chose. Mais, ouais, une formation de soir, tu sais, c'est pas trop engageant. C'est au cégep, donc c'est pas cher. Puis après ça, une fois que t'as fini, ça dure 6 mois, même moins que 6 mois. Ça dure genre mars, avril... mai, juin, 4 mois. 4 mois et demi. Au bout de ces 4 mois et demi-là, tu es éligible pour avoir ton permis d'inspecteur privé du Québec, émis par le Bureau de la sécurité privée. Puis après ça, tu peux te faire engager. Ben, soit tu pars à ton compte, j'imagine, mais pour ça, il faut que tu aies des clients. Là, fait que c'est assez difficile de partir tout de go de même, je suppose. Puis c'est ça, donc soit tu pars à ton compte, soit tu peux te faire engager par une agence d'inspection. Le genre d'agence que, mettons, une compagnie d'assurance va engager pour vérifier que, mettons, telle personne qui a fait une réclamation, tu sais, a dit bien la vérité, que, mettons, assez bel et bien casse une jambe, ou, tu sais, whatever, je sais pas trop, là. Ou que, tu sais, vous voyez le genre, là. Fait que c'est ça. Fait que je vais faire comme je vais assister aux, tu sais, mettons 2-3 premiers cours, là, voir si j'aime ça. Puis si j'aime ça, ben je vais le faire au complet. Là, fait que je vais pouvoir avoir mon permis d'inspecteur privé puis vivre mon vieux fantasme de jeunesse d'être un détective privé. Pas pire, hein? C'est pas pire ça. J'ai hâte de voir ça. Je suis un peu, je me demande. Ma principale inquiétude, là, c'est de me demander quel genre de gens il va y avoir. Là. C'est clair qu'il n'y aura pas des lumières. Là. Ça, je m'en attends. Là. Mais, en tout cas, c'est ma crainte. Là, que dans quel genre d'univers je vais me plonger. Ça, je sais pas trop. Donc, ça, c'est les nouvelles du jour. Au niveau culturel, ce que j'ai écouté cette semaine... En fait, c'est pas des choses que j'ai que j'ai toutes écoutées cette semaine nécessairement, mais un des trucs que j'ai écouté dernièrement, c'est un animé japonais. Puis ça, les animés japonais, j'ai une espèce de relation amour-haine avec ça, là, parce que je te dirais que 99% des animés japonais, c'est de la calisse de marde. C'est cliché au bout, c'est des sujets pour impressionner des enfants de 10 ans, de 10-12 ans. C'est tape à l'œil, c'est vraiment comme avec des enjeux dont on s'en fout complètement, des histoires rocambolesques qui prennent des, tu sais, des raccourcis incroyables. Au niveau du visuel... Tu sais, les Japonais, ils ont cette tendance-là. On voit ça aussi dans les jeux vidéo, mettons. Les jeux vidéo, mettons, d'action américain. Quand je dis américain, c'est, mettons, européen aussi, là. Tu sais, mettons, les jeux d'action, ça va être beaucoup axé sur, tu sais, faire telle affaire, tel, mettons, combo ou je sais pas quoi, puis ça va être très clair. Tu sais, tu vas savoir ce que tu fais. Mettons les jeux de combat, tu sais, Mortal Kombat, tu vois chaque move que tu fais, tu vois quand tu y arraches quand tu y arraches la colonne vertébrale, tout ça, tu le vois très bien, c'est au ralenti, puis tu le vois très bien, tu sais. Tu vois quand tu fais une jambette, tu vois quand tu fais un coup de poing. Mais mettons les jeux japonais, mettons en comparaison à ça, ça serait comme Street Fighter. Street Fighter, c'est genre c'est pas clair, là, les demi-cercles, puis tout ça, puis là, tu te mets à faire une espèce de... Pou-pou-pou! Puis là, il y a comme du feu qui explose, puis des boules d'énergie bleue, puis tu vois plus rien de ce que tu fais, là. C'est pas trop clair ce que tu fais, là. Mais je te dirais que dans la vie, ça, c'est quelque chose que j'aime pas, en général, de, mettons, du cinéma japonais, puis à part quelques exceptions, là. Mais du cinéma japonais et surtout du cinéma d'animation. Ben, plus les animés japonais, là. Mettons les téléséries, là. T'sais, ça va être comme des explosions, puis des affaires de couleurs, puis des espèces de trucs comme. Pas, t'sais. Ça va quasiment de l'art abstrait, là. Ce qui est bien, t'sais, c'est ça peut être beau, puis tout ça, mais à un moment donné, t'es à la recherche, t'écoutes de quoi, puis t'es à la recherche de signification, t'sais, tu veux une histoire qui a du sens. Puis, on dirait que les Japonais, souvent, ils sont comme pas éduqués. Tu sais, soit ils vont penser comme trop basic, ils vont pas trouver le deuxième degré. Mettons, j'écoute des entrevues de réalisateurs japonais qui vont dire, qui vont se faire poser la question, mais tu sais, pourquoi t'as fait ça? Puis, la réponse, ça va être juste parce que, oh, parce que c'est drôle. C'est tout. Il n'y a aucune recherche créative, intellectuelle derrière ça. C'est juste parce que lui, il trouvait ça drôle ou il trouvait ça triste ou il trouvait ça impressionnant. Ou, t'sais, en tout Fait que les animés japonais, j'ai bien de la misère avec ça habituellement. Il y a quelques exceptions. Une de ces exceptions-là, c'est l'anime que j'ai écouté dernièrement qui s'appelle One Punch Man. Puis, mettons dans les autres exceptions, l'exception ultime, c'est Death Note, cahier de la mort. Death Note, ça c'est. Mettons, tu sais, il y a vraiment un propos dans cet anime-là. De la même manière que One Punch Man, il y a un propos. Puis le propos, c'est de critiquer les animés, justement. Puis c'est pour ça que cet anime-là il est intéressant. Fait que si tu as regardé Dragon Ball, qui est un autre. Pas Dragon Ball Z, Dragon Ball le premier, quand ils sont enfants. Ça, pour moi, c'est une exception aussi, là, parce que c'est très. C'est comme un dessin animé pour enfants, mais pour adultes aussi en même temps, en tout cas. Mais One Punch Man, donc si tu as écouté Dragon Ball Z, ou que t'as écouté des estis de marde, là, genre, je sais pas trop, là, les autres, là. Si tu connais l'univers des animés en général, là, tu vas aimer One Punch Man parce que ça ridiculise tout ça. Fait que, tu sais, les espèces de monologues à rallonge, tu sais, qui se veulent émotionnel, mais qu'ils sont pas, là. Espèce de personnage qu'on s'en fout, là, qui commence à raconter sa vie, puis, tu sais, je comprends, tu sais, une des caractéristiques de l'anime japonais, c'est justement de faire des arrêts sur image, des méga ralentis pour comme entendre, puis là, en voix off, tu sais, t'entends ce que le personnage pense. Puis là, mettons, pendant qu'il est en train, tu sais, il s'est fait donner un coup de poing, mettons. Puis pendant qu'il tombe à terre, là, tu vois comme une partie de sa vie, genre en flashback, puis c'est ce genre d'affaire-là. Mais One Punch Man, il va ridiculiser ça. Puis le personnage principal est quelqu'un, c'est One Punch Man, qui principalement va comme tuer ses ennemis en un seul coup de poing. Mais lui, c'est un être justement très blasé parce que très, très blasé de l'univers dans lequel il se trouve, donc l'univers d'un animé. Techniquement, il sait pas qu'il est dans un animé, mais tu sais, nous on le sait. Puis il va avoir un regard très critique par rapport à ça. Puis tu sais, il va faire genre, il va être face à un ennemi qui lui parle, puis là il va lui dire ta gueule, tu sais. Si ce que t'as à dire, si ce que t'as à me dire, c'est en plus que 20 mots, ben, dis-le pas parce que c'est trop long, là, parce que lui, il est blasé, puis que blabla. En tout cas, c'est super intéressant, fait que je le conseille pour que vous soyez. Mettons, si vous connaissez zéro, nada, rien des animés, je vous le conseille pas parce que vous n'allez pas trouver ça drôle. Mais mettons que vous avez une toute petite culture des animés japonais, je vous le conseille parce que c'est vraiment drôle. Puis aussi, les animations sont vraiment écœurantes. Fait que si vous êtes... C'est le meilleur des deux mondes. Si vous êtes un... Si vous connaissez un peu la culture de l'anime japonais, puis que ça vous intéresse, mais que vous savez pas trop quoi regarder, écoutez One Punch Man. Puis si vous êtes un super grand amateur d'anime japonais, regardez-le, parce que les animations, puis l'histoire est vraiment bonne. Fait que... Ça, c'est la première chose. Dans le même ordre d'idée, j'ai écouté un film un peu dans le même genre qui s'appelle Kingsman, qui est basé sur une BD anglaise. Ça se veut une espèce aussi, une espèce de critique du, mettons, de James Bond, puis des films dans ce genre-là, là, puis des films de super-héros, puis de super... Ben, pas super-héros, mais de super-espions, puis tout ça. C'est comme... C'est une critique intéressante, là, mais honnêtement, si j'avais à choisir entre les deux, en termes de... C'est aussi un peu sarcastique, là, comme façon de faire, à la manière de One Punch Man. Mais si j'avais une manière... Si j'avais un à recommander, je recommanderais One Punch Man. Puis ensuite, j'ai aussi écouté... L'exoconférence de Alexandre Astier. Alexandre Astier qu'on connaît surtout pour Kaamelott, donc la série française, qui était un peu le maître d'œuvre, qui jouait le roi Arthur, puis qui a tout écrit ça, qui est un peu le maître d'œuvre, un peu, selon moi, un peu dictateur dans cette affaire-là, mais en tout cas. Fait qu'il a fait une espèce de... Ben, une conférence qui parle de science, mais aussi de la possibilité de des extraterrestres, de la présence d'extraterrestres. Fait qu'il passe par tous les chemins, là. Il passe de, tu sais, de la naissance de l'univers à... Mettons... Tout ce qui a rapport à... l'astronomie, puis tout ça, là. Fait que, puis aussi, c'est avec humour, puis c'était intéressant. Mettons, sur 10, je donne un bon 7.5, là. Fait que, c'est comme comique, puis c'est comme un show d'humour, sous la forme de conférence. Fait qu'une espèce, ça dure 1h30, genre, je pense, à peu près. Fait qu'il y a une espèce de grand TED Talk de 1h30, humoristique. Fait que c'est un bon concept. Fait que je le conseille, ça aussi. Fait que c'est ça que j'ai vu cette semaine. Puis, j'en suis à combien de temps, là? Ah, oh, j'ai passé 1 heure. Fait que, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de En plein milieu. Je vais vous revenir la semaine prochaine avec d'autres super sujets. Fait que, à la semaine prochaine, tout le monde. Bye!